Voilà que la partie commence. Et voilà que la partie commence. Écoute ça. One time for world, the round star real again. Squad after battle, fishing friendship, loyalty here again. Here again. Down from the face, the ghost won't say what the thing has been. The pinball, the shield, the bomb across your face. Voilà que la partie commence. Ça vient compter les pas, à se caler dans la danse. Oh yeah. Anatole amorce la transe, abracadabra, et voilà la résistance. Voilà encore le vacarme, les dicteurs de loi, et revoilà les alarmes. Anatole est bien à son aise, du sang et des larmes sont pour lui de la terre glaise. Down the road, the devil down, the friendship of all of us, from our hands to our hands. The hope we bear, friendship, brother. J'aurais pas vu la petite normale qui pense qu'ici bas ça ne sert à rien de se faire mal. Si jamais tu crois cette histoire, tu dis qu'il va chez moi, je vais écouter son histoire. Voilà que la partie commence. Anatole amorce la France. Anatole,